chacune de ses pensées, toujours pour le bien de l'homme, chacune de ses émotions, étroitement liées à leur existence, l'expression de ce qu'il est. Il ne sait pas avoir pitié de sa propre vie, mais